following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Attention! This show may contain explicit lyrics. Attention, certaines paroles de chansons dans cette émission peuvent être inappropriées pour certains auditeurs. Bonjour, you're listening to 24 Hours of Frenchness on KFAI FA2, brought to you by Bonjour Minnesota and French and Fiances Radio Show Therapy. Keep on listening and check us out at bonjourminnesota.com. This show is a special Quebec, special dedicated to my friend Pierre Girard and all the volunteers from the French American Heritage Foundation of Minnesota. Check them out! We're gonna start with Les Canadiens Errants with three songs. The first one is V'là le bon vent, Here's the good wind, then À la claire fontaine, which is a French classic, and then Les anges de nos campagnes. The angels from our countryside. Le bon vent, le joli vent, le bon vent, Marie Martin. Toi, beau canard.

Ce matin avec le soleil, de dila, de dum da, avec le soleil ce matin, je me suis levé. J'ai vu passer à la fenêtre, de dila, de dum da, la fenêtre j'ai vu passer. Un visage rêvé. Un instant j'ai bien cru n'être point éveillé, puis soudain j'ai entendu frapper. L'inconnu était une femme, Dalila, dadum dadum, une femme comme on en voit peu, je l'ai fait entrer. J'ai fixé longtemps son regard, Dalila, dadum dadum, son regard si peu troublé m'a vraiment intrigué. Je l'ai invité à s'asseoir à ma table et ensemble nous avons dîné. Elle m'a raconté son histoire, Dalila, dadum dadum, son histoire elle m'a raconté, je l'ai écouté. Elle a perdu son amoureux, Dalila, dadum dadum, son amoureux mort à la guerre, loin de son pays. Il n'a jamais vu l'enfant qui est mort ce matin, il n'a jamais su qu'il était père. Ce matin tout près de la rivière, Dalila, dadum dadum, près de la rivière ce matin, un enfant pleurait. Dès qu'il eut traversé le pont, Dalila, dadum dadum, le pont aussitôt traversé, elle se sentit bien. Seule elle a suivi la route qui mène chez moi, et sans hésiter, elle a frappé. It was La Bottine Souriante, with La Brunette est là. Then, Les Canadiens errants, Les Moines de Saint-Bernardin, and then, Patapan, featuring Christine Kearns, and Heart Rouge, with Ce Matin Sans Hésiter. Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. KFAI is a listener-supported radio. Please help if you can. Go to kfai.org and click on Donate. Et voilà, c'est fini. À la prochaine. And stay tuned for the next show on KFAI and Mixcloud. Thank you.